sais que cette fois c'est la fin. Je sais que l'on n'y peut plus rien. Je sais, mais je ne veux pas croire. Je sais qu'il n'y a plus d'espoir. J'ai peur, si peur seul dans la vie. Je crois, si froid tout seul la nuit. Je pleure des notes du jour. Je n'ai jamais vu sans amour. Oh, j'ai si mal, si mal de penser. Yeah, how hết đàn rồi. Cuộc tình mà tôi lẽ ra còn nuôi. Tôi đã nghe tan phai.